Lettre 35e, Apelles à Junia Marcella, Trachène, novembre 301. Tu t'attends, mon ami, que je vais te donner des heureuses nouvelles de mon arrivée et de ta Larissa. Hélas, je tremble de ce que j'ai à t'apprendre. Je voulais te préparer aux plus affreux événements. Mais à quoi servent de vains ménagements quand il faut finir par la triste vérité? Lis donc, mais ne perds pas de vue que sans la volonté de Dieu, aucun de nos cheveux ne tombe à terre, que nos jours sont comptés, et que cette terre n'est qu'un lieu d'épreuve. Laisse à présent un instant cette lettre, fortifie-toi par la prière et la résignation, et finis ensuite le triste récit que je vais te tracer. Tu sais sans doute ce que j'ai appris moi-même en approchant des environs de Trachène, que les Goths ont répété à plusieurs reprises leurs excursions sur les bords du Bosphore, tant sur notre rive que sur celle d'Europe. J'appris d'affreux détails de leur témérité et de leur barbarie, et je ne puis te cacher que l'idée de me rendre dans un lieu si près de la mer ne me laissa pas sans inquiétude. Cependant, j'espérais que ma visite aurait le double avantage d'être de quelque consolation à Larissa, et d'engager Démétrius à quitter ces dangereux parages et à s'établir dans quelque ville. Oh, ma respectable amie! Que sont les projets des hommes, de la poussière que le vent dissipe au loin? Mes projets, mon arrivée, tout fut trop tardif. 2 jours auparavant, les barbares avaient tenté une descente, et profitant des ombres de la nuit, ils tombèrent comme une nuée sur la demeure de Démétrius, en poussant des cris horribles. Au lieu de s'échapper avec sa femme et ses gens, ce qui était encore possible, Démétrius alla à la rencontre à main armée avec ses esclaves. Un combat commença. Mais la supériorité du nombre était si forte du côté de l'ennemi que les femmes, qui étaient restées seules dans la maison, n'eurent plus le temps de se sauver. Démétrius fut assassiné un des premiers. Ses esclaves moururent à ses côtés. Les Goths forcèrent la maison et massacrèrent tous les êtres vivants qu'ils y trouvèrent. Leur cruauté était excitée par la résistance. La maison fut pillée, en partie incendiée, et la horde des barbares sortira vers le matin en poussant des cris d'allégresse. Ce ne fut que longtemps après leur départ que les voisins auxquels s'étaient joints 3 ou 4 malheureux esclaves échappés au massacre osèrent revenir sur ce théâtre de carnage pour voir s'il y aurait encore quelqu'un à secourir. Tout était mort. Démétrius, entouré des siens, était étendu sans vie sur la terre, et le nombre des barbares dans le même état prouvait qu'il s'était défendu en désespéré. On trouva dans la maison plusieurs cadavres d'esclaves assassinés, et dans la chambre de Larissa, le corps d'une femme absolument défigurée par la quantité de blessures. Mais le voile de Larissa, blanc, brodé en or, d'un tissu remarquable par sa finesse, était encore entre ses mains, souillé de sang. Elle avait aussi autour de l'un de ses bras un bracelet de perles d'un grand prix, qui n'a plus laissé de doute. Il manque quelques esclaves des deux sexes, qui peut-être ont été la proie des flammes. Quoi qu'il en soit, sage Junia, pensons qu'il est plus que probable que Dieu a retiré à lui notre amie d'une manière bien cruelle, quoiqu'elle ait moins souffert que si elle avait langui dans un lit de douleur, et moins peut-être que la blessure de son cœur ne la faisait souffrir journellement. D'après le rapport de ceux qui ont examiné ses blessures, elles étaient si nombreuses et si profondes qu'il est impossible qu'elle ait souffert au-delà de quelques minutes. C'est la seule consolation qui reste à ses amis. Ils sont bien plus à plaindre qu'elle. Ceux qui nous quittent échangent un bonheur passager contre un bonheur durable, et ceux dont la vie n'était qu'une longue souffrance, sans espoir, trouvent enfin la paix et le repos. Je ne te dis pas cela pour te consoler, chère Junia. Je sens toute la grandeur de la perte que tu viens de faire. Une amie est un bienfait de la Providence, et la perdre est la plus cruelle des épreuves. Dieu n'exige pas de nous que nous y soyons insensibles, et la perte de Larissa et le genre de sa mort doivent nécessairement faire une grande impression sur toi. J'espère cependant beaucoup de ton courage et de la société de Théophon. Il pleurera avec toi, notre jeune et malheureux ami, et c'est là ce qu'il te faut. Je voulais retourner auprès de toi à l'instant même, puisque le but de mon voyage était si cruellement manqué. Mais il s'en est présenté un autre le matin même de mon arrivée, et j'ai reconnu la bonté de Dieu, qui n'a pas voulu que mon voyage fût inutile. J'arrivai le soir à Trachène, j'appris des voisins l'affreux événement, et comme ils lirent à mes larmes l'intérêt que je prenais surtout à Larissa, à ma prière, ils consentirent à me laisser son voile, que je voulais t'apporter comme la seule chose qui resta de ton ami. Le lendemain, je parcourus cette triste demeure à peu près incendiée. Je traversai en frémissant ces chambres désertes, lorsque j'entendis dans la cour le bruit du pas de plusieurs chevaux. J'avance vers une fenêtre, et je vois un jeune homme de la tournure la plus noble, accompagné de plusieurs esclaves à cheval. Ils descendent, beaucoup de gens se rassemblent autour d'eux, et le jeune homme, qui paraissait le maître, les questionnait avec l'apparence de la plus grande crainte. Je sortis précipitamment pour l'instruire avec ménagement. J'arrivai trop tard. Agathoclès, que tu as sûrement deviné, était tombé sans connaissance dans les bras de ses compagnons. Je le fis transporter dans la maison. Après quelques moments, il ouvrit les yeux. Son regard était égaré et ses paroles sans suite. Lorsque je me nommai, un rayon de paix rentra dans son âme. Il se jeta à mon cou, nomma Larissa, et des larmes qui commencèrent à couler soulagèrent son cœur oppressé. Je lui racontai alors tout ce que je t'ai demandé. J'adoucis, autant qu'il me fut possible, les détails de la mort de Larissa. Je parlai avec une certitude et une éloquence que le ciel m'inspira sans doute, du bonheur céleste dont elle jouit. Je le vis par degrés se calmer un peu et s'attacha à l'idée que lui seul était malheureux et qu'elle ne souffrait plus. Il se leva et voulut sortir. « Excuse-moi, me dit-il, si je te quitte. J'ai besoin d'être seul et de réfléchir sur tout ce que tu viens de me dire. » Je le regardai avec inquiétude. « Ne crains rien, » continua-t-il en me prenant ma main. « Ce que ta religion défend, ce que tu regardes comme une lâcheté, ce qui me séparerait peut-être à jamais de Larissa, ne peut être dans mes principes. Dans quelques heures, nous nous reverrons. » J'eus honte de mes soupçons et je me retirai. Après un long espace de temps, il me chercha. Je le trouvai plus résigné et en état de parler avec plus de suite dans cette horrible catastrophe. Son désespoir était changé en une sombre tristesse. Il demanda qu'on préparât la chambre de Larissa pour lui et pour moi. Je voulus m'y opposer, mais je vis bientôt que son cœur n'était pas de l'espèce commune. Il s'entoura des personnes qui avaient connu Larissa. Le souvenir de ses vertus, de ses souffrances, de sa résignation, de son amour pour lui, dont je ne craignais plus de lui parler, paraissait lui faire du bien. Le lendemain, il parcourut avec moi les environs pour s'informer de tout ce qui s'était passé et pour prendre toutes les précautions possibles pour prévenir de nouveaux malheurs. Les habitants furent invités à envoyer à la ville voisine leurs objets les plus précieux. Il fit distribuer des armes, il les instruisit de ce qu'il y aurait à faire, et de se tenir toujours prêt à la défense. Il fit placer des signaux sur toutes les collines, au moyen desquels la contrée pouvait être en un instant sous les armes. On aurait dit que son propre malheur avait disparu à la vue de celui que couraient les voisins de Larissa. Mais bientôt la douleur revenait avec d'autant plus de violence. À présent, j'ai la persuasion que son âme est d'une trempe trop forte pour qu'elle subjugue ses vertus ou qu'elle amollisse son courage. Il est facile de voir que nos saints dogmes s'y établissent peu à peu et que l'idée de rejoindre Larissa dans un meilleur monde peut tout sur lui. Il m'a prié de l'accompagner à Nicomédie, où il compte retourner demain pour prendre toutes les précautions nécessaires, afin que l'ennemi ne puisse tenter de nouvelles excursions. Je n'ai pu lui refuser sa prière. Je t'avoue que je l'aime, que je le respecte. Je te confesse aussi que je lui ai donné le voile de Larissa. Il est aussi digne que toi de le posséder, et je l'ai accordé à ses instances. Il recula d'effroi en le voyant teint du sang de sa bien-aimée. Ensuite, il s'en saisit avec ardeur et le plaça sur son cœur. Je ne doute pas que tu ne lui pardonnes ce rapt et ma longue absence. Dis-le à notre vénérable père Théophon, et tâche d'obtenir de lui la permission pour moi de prolonger cette absence. Consoler les malheureux est notre premier devoir. Et qui a plus besoin qu'Agathoclès des soins de l'amitié ?